Les âmes mortes, tome 1, chant 6. Plushkine. Jadis, il y a bien longtemps de cela, c'était dans les années de ma jeunesse, dans ces belles années si vite écoulées de mon enfance, j'étais joyeux, charmé, quand j'arrivais pour la première fois dans un lieu qui m'était inconnu. Peu importait que ce fût un hameau, une pauvre petite ville de district, un grand village, un petit bourg, mon œil curieux d'enfant y découvrait toujours beaucoup de choses intéressantes. Chaque bâtiment et tout ce qui portait le moindre vestige de particularité m'arrêtait, enchantait mon regard et me laissait une vive impression. Était-ce une maison en pierre, une de ces maisons de la couronne d'une architecture stéréotypée, la bonne moitié de la façade en fausse fenêtre, et cette façade se dressant seule dans sa fierté entre de modestes habitations bourgeoises construites en rondins et toutes consistant en un simple rez-de-chaussée? Était-ce une belle coupole bien ronde, revêtue de fer blanc étamé, s'élevant au-dessus des grands murs blancs comme la neige, d'une église neuve ou fraîchement restaurée? Était-ce un marché, plus ou moins primitif dans ses étalages et dans son aspect général? Était-ce un petit maître de district venu pour se montrer dans le chef-lieu de la province? Tout s'emparait de mon attention. Rien n'échappait à mon observation, à la fois fine et naïve. Et, sortant le nez hors de ma télègue de voyage, je regardais, et la coupe inconnue d'un par-dessus, et les caisses de clous, de fleurs de soufre, d'alun, de raisins secs, de craie, de camphre et de savon, qui formaient, avec des bocaux de conserve sèche de Moscou, la devanture, l'étalage des boutiquiers, des premiers épiciers de la localité. Je regardais un officier d'infanterie qui marchait le long des maisons, venant de Dieu sait quel gouvernement, tâter un peu de l'ennui des villes de district. Et le marchand, qui, vêtu d'une méchante sibirka, filait sur sa légère bancelle à quatre roues, comme l'hirondelle avant l'orage. Et je me transportais, par la pensée, à leur suite, bien loin, dans leur pauvre vie, que je ne manquais pas de supposer très douce et très riante. Un employé de district venait-il allonger la rue, je pensais. Où va-t-il? Passer la soirée sans doute chez quelqu'un de ses confrères? Ou bien tout bonnement chez lui, dans sa maisonnette? Ou après s'être tenu une demi-heure assis, paisible, sur l'avancée de sa porte pour attendre le crépuscule, il ira prendre place au souper de famille, entre sa mère, sa femme, sa belle-sœur et toute la nitée. Je me demandais de quoi ils pourraient parler entre eux, pendant que la fille de basse-cour en collier de verroterie, ou le garçon en grossière jaquette usée, apporterait, après la soupe, une chandelle de suif dans un vieux chandelier de travail domestique. En arrivant dans le principal village de quelques seigneurs, je regardais avec curiosité le haut et grêle clocher en bois et la vieille église bâtie en rondins, sombre et d'une largeur disproportionnée. Je regardais avec admiration défiler à distance, à travers le feuillage touffu des arbres, le toit rouge et les cheminées blanches de la maison domaniale. Et j'attendais impatiemment que s'ouvrissent à mes yeux, en deux parts, les jardins qui faisaient cadre et avenue, et que cette maison m'apparût enfin dans tout son ensemble, qui, alors du moins, avait toujours pour moi une belle apparence. Et je m'efforçais de deviner quel homme ce pouvait être que le seigneur du lieu, s'il était gros, s'il avait des fils, ou une bonne demi-douzaine de filles riant avec le son de voix argentin du rire des femmes, les unes aux yeux noirs, d'autres aux yeux bleus, mais la plus jeune, pour sûr, une beauté, et si lui-même était un homme jovial, ou si, par hasard, il était sombre comme la fin de septembre, s'il regardait sans cesse dans le calendrier, et parlait des foins, des orges et des seigles, dans le cercle de cette vive jeunesse qui pense naturellement à des sujets moins encombrants. Aujourd'hui, je traverse avec une profonde indifférence tous les villages inconnus, et j'envisage froidement leur triste et misérable apparence. Mon regard ne s'arrête plus sur de pareils objets. Rien de grotesque ne me fait plus sourire. Ce qui autrefois provoquait chez moi instantanément un grand éclat de franc rire et une heureuse animation dans mes traits et mes mouvements, passe maintenant devant mes regards comme inaperçu, et ma bouche, détenue immobile de froideur, ne trouve plus rien à dire de ce spectacle, qui avait alors le secret de me ravir en extase. Oh, ma jeunesse! Oh, ma belle ingénuité! Pendant que Tchitchikov, déshabitué de rire, lui aussi, parce qu'il approchait de mon âge, riait pourtant d'un rire rentré, contenu, d'un petit rire saccadé, mais tenace, à l'occasion du pittoresque et vigoureux sobriquet appliqué à M. Plushkin par les paysans des environs de ses terres. Il ne s'aperçut pas qu'il entrait dans un gros village, formé par un nombre considérable de chaumières, séparées les unes des autres de 50 pas, et de distance en distance par des rues et des ruelles. Cependant, bientôt le bruit et les terribles secousses provenant du trot de ses chevaux sur un vieux ais de rondin, devant lequel le pavé en cailloux des villes était doux comme la table d'un billard, le forcèrent bien de sortir de sa douce rêverie. Ses poutres, placées comme les touches d'un clavecin, se levaient, retombaient, ressautaient à droite et à gauche, et le passant, qui ne se tenait pas en garde, recevait ou un bleu à la nuque ou une bosse au front, et il lui arrivait de se mordre cruellement de ses propres dents le fin bout de la langue. Il remarqua que les chaumières de ce village avaient, sans exception, un infini air d'extrême vétusté. Les rondins, dont les murs étaient formés exclusivement, étaient sombres et vermoulus. Beaucoup de toits ressemblaient à un gril, et il ne restait sur quelques-uns que la traverse du haut et quelques solives soutenues par de grêles chevrons. C'était comme la poitrine d'un squelette humain. On eût dit que les maîtres eux-mêmes avaient enlevé les planches du toit, pensant avec raison qu'en temps de pluie, ce n'est pas un bon abri qu'une chaumière délabrée et percée à jour, et que, quand il fait beau, il n'y a pas à craindre la pluie. Les fenêtres de chaumière étaient sans vitres. Les unes étaient cramponnées de guenilles ou d'un lambeau de tille en natte. Les balcons, couverts par le rebord des toits qui surplombaient en pignons saillants, des balcons faits à des chaumières russes, s'étaient tordus d'eux-mêmes, et ils avaient noirci à tel point qu'ils n'avaient rien de pittoresque, même comme ruine. Derrière les chaumières, s'étendaient en beaucoup d'endroits des rangées d'énormes meules de blé, visiblement déjà anciennes, et dont la couleur ressemblait à de la vieille brique mal cuite. Sur la cime était allée se fixer une croûte sans nom, et ces meules semblaient avoir conscience de leur valeur, car elles s'entouraient elles-mêmes, comme pour défendre leurs approches, d'une haie de chardons et de hautes herbes. Le blé, selon toute apparence, était la propriété du seigneur. Derrière les meules et les chaumières, visibles par intervalles, s'élevaient, se dessinaient, fuyaient et disparaissaient dans l'atmosphère, tantôt à droite, tantôt à gauche, à mesure que la britchka avançait dans les sinuosités du chemin, deux églises de village, très proches l'une de l'autre, l'une de bois et en ruine, l'autre en pierre, badigeonnée de jaune autrefois, souillée de moisissures et dangereusement lézardée. Puis Tchitchikov commença à entrevoir en partie la maison de maître, qui, à la fin, surgit de toute sa face, vue de l'endroit où cessait la double rangée de chaumières et où, À leur place était un ancien jardin à choux abandonné, qui ne gardait de son ancienne clôture que quelques débris ravagés et clairsemés de palissades, aux trois quarts ensevelis dans les orties. Cette étrange habitation, de longueur disproportionnée, avait quelque chose d'un vieil invalide cruellement mutilé et qu'on frémit de voir debout. Elle était ici en simple rez-de-chaussée, là chargée d'un modeste étage. Sur le toit sombre, qui défendait mal les plafonds, ou ce qui en restait de l'invasion des eaux de pluie, se pavanaient l'un devant l'autre deux belvédères, tous les deux d'un aspect peu rassurant. Tous les deux, sauf quelques écaillures dépouillées de la couleur à l'huile qui, à une époque quelconque, avaient été leurs vêtements, leurs robes nubiles. Les murs de la maison laissaient voir dans quelques endroits les losanges du lattis qu'avait recouvert l'enduit, pour avoir enduré mille et mille fois les diverses intempéries, pluie, givre, ouragan, tourbillon, escorte obligée des changements de saison. De toutes les fenêtres, il n'y en avait que deux qui fussent ouvertes. Les autres étaient fermées aux volets en permanence, ou même claquemurées de vieilles planches vermoulues. Quant aux deux fenêtres, que j'ai dites ouvertes, elles ne laissaient pas d'être tant soit peu borgnes et louches. L'une d'elles, par exemple, avait un emplâtre triangulaire de papier à sucre de couleur pensée collé contre la vitre. Un vieux et immense jardin qui s'étendait derrière la maison et sortait du hameau, allant se perdre dans la plaine, tout envahi qu'il était par les hautes herbes, par les plantes buissonnières et toutes les végétations parasites, rafraîchissait l'aspect de ce vaste et sinistre manoir, et seul était majestueusement pittoresque dans son lugubre et magnifique abandon. À l'horizon se prolongeait, en nuages verdâtres et irréguliers, en coupoles de feuillage ondoyant, les cimes rapprochées entre elles des arbres qui croissaient en pleine licence. Un tronc colossal de bouleau blanc, dépourvu de son panache de verdure, brisé par la foudre et tordu par l'ouragan, s'élevant de ce fourré vert, continuait de s'arrondir en l'air comme une belle colonne torse en marbre poli. Un fragment penché, aiguilleté, hérissé de dards inégaux, par lequel se terminait le haut au lieu de chapiteau, se détachait en noir au-dessus de la blancheur mate du fût, comme un vieux porc-épic ou quelque oiseau noir effrayé. Le houblon, qui étouffait en bas des buissons de sureau, de sorbier et de noisetiers sauvages, grimpait ensuite au sommet de cette palissade et venait jeter plus haut ses spirales hardies jusqu'au milieu du bouleau décapité. Là, il retombait en arc-boutant et recommençait à enlacer de ses filandres et de ses repères glutineux les cimes touffues d'autres arbres, ou pendaient en l'air, comme une longue et flexible chevelure, doucement balancée par la brise, après avoir ancré, de loin en loin, quelques crochets de sûreté. En de certains endroits se trouvaient des masses gigantesques de feuillage, inondées de soleil, mais qui, entre elles, par contraste, laissaient voir un enfoncement sombre, béant, comme une profonde caverne. Cet enfoncement était, au contraire, tout imprégné de ténèbres, et c'est à grand-peine qu'on pouvait distinguer dans ce fond noir la trace incertaine d'un étroit sentier, des garde-fous en débris, une tonnelle vermoulue et prête à tomber en poudre, un vieux fût de saule creux, un acacia stépien grisâtre, se dégageant sous la forme d'une épaisse soie de porc, de derrière des saules desséchés par l'enchevêtrement des racines et des tiges, et, plus haut, des feuillages et des branches mortes. Enfin, une jeune et vigoureuse branche d'érable étendant obliquement ses vertes feuilles polypiennes, sous l'une desquelles un rayon de soleil arrivait là, Dieu sait comment, et la changeait en un objet transparent, igné, merveilleusement radieux dans cette profonde obscurité. À l'écart, et tout à l'extrémité du jardin, quelques trembles géants laissaient voir d'énormes nids de corbeaux dans le fouillis de leurs rameaux les plus élevés. Quelques-uns de ces arbres avaient des branches rompues sans être entièrement détachées de leur tronc, d'où elles pendaient en bas avec leurs feuilles flétries et desséchées. En un mot, tout était beau dans cet état de ruine vivace de la végétation locale, et tellement beau que ni la nature, ni l'art, opérant isolément, ne saurait produire rien d'approchant pour le regard de l'homme. On ne peut avoir ce spectacle que là où tous deux se sont donné la main, où la nature, pour renchérir encore sur le travail humain, souvent dépensé avec une prodigalité insensée, est venue achever le tableau en y jetant à loisir tout le grandiose, toutes les hardiesses de sa ciselure, en allégeant les masses lourdes, en détruisant une maladroite régularité, en rompant toutes ces misérables lignes droites qui découvraient la savante pauvreté du plan, enfin, en communiquant une merveilleuse chaleur à tout ce qui a été conçu dans la froideur du calcul, des études et de l'après des œuvres de l'homme. Après un ou deux nouveaux détours, notre héros se trouva à la fin devant la maison, qui ne lui en parut que plus triste pour être vue de plus près. Une végétation moussue couvrait le bois vermoulu de toute la palissade et de la porte cochère. Une foule de bâtiments, les logements des gens, les magasins, les caves, en état visible de complète vétusteté, remplissaient la cour. Près de ces bâtiments, à droite et à gauche, on voyait des portes cochères s'ouvrant sur d'autres cours. Tout disait qu'on avait jadis mené grande et large vie en ce même lieu, où tout, désormais, était triste et morne à serrer le cœur. Rien ne venait animer ce tableau de désolation, ni porte s'ouvrant, ni homme sortant d'aucune part, ni mouvement, ni soin, ni allées et venues, ni vie dans la maison. La seule porte cochère principale était ouverte, et cela parce qu'un paysan venait d'introduire une télègue dont la charge était couverte de nattes, et cet homme semblait n'être apparu là que pour galvaniser un instant ce vaste tombeau. Ordinairement, cette porte était fermée, comme celle d'une forteresse en temps de guerre, ce que prouvait un énorme crampon de fer au bout duquel pendait un monstrueux cadenas. Au pied de l'un des bâtiments de la cour apparut une étrange figure querellant le paysan qui venait d'entrer en guidant la télègue. Longtemps, Tchitchikov ne put deviner à quel sexe appartenait cette figure, à une vieille matrone villageoise ou à un rustre abâtardi dans la domesticité. La robe qu'elle portait était d'une coupe tout à fait indécise et n'avait guère d'analogie qu'avec une capote de femme. Sur sa tête était un bonnet tel qu'emportent les bonnes vieilles villageoises, attachées depuis longtemps au service du maître et n'y prospérant pas. La voix seule lui semblait tant soit peu grosse d'intonation pour un gosier féminin. « Oh, quelle femme !» pensa-t-il en lui-même. Et il ajouta « Une femme ? Non, voyons. Mais oui, eh oui, c'est une femme !» dit-il enfin, après avoir bien exploré du regard l'étrange individu. Cette figure hétéroclite, de son côté, le regardait aussi fort attentivement, et il semblait que la présence d'une personne étrangère fût pour elle comme un phénomène extraordinaire, car elle avait des regards curieux à voir, non seulement pour Tchitchikov, mais pour Sélifane, et même pour les chevaux, qu'elle inspecta en connaisseuse depuis la queue jusqu'au naseau, y compris les dents. Tchitchikov, en voyant des clés suspendues à sa ceinture et en l'entendant accabler le paysan des plus gros mots, jugea enfin que c'était une femme en furie et, probablement, la femme de charge de M. Plukhchkine. Hé, hey, la mère, dit-il en sortant la tête et les épaules de la britchka. Ton maître est-il ? Il n'est pas à la maison, dit la ménagère en coupant la parole à l'étranger. Et une minute après, elle ajouta. Que vous faut-il ? J'ai affaire ici. Affaire ? Eh bien, entrez, lui dit la mégère en se retournant et lui montrant un dos souillé de farine et une grande déchirure plus bas. Notre héros ne balança pas à sauter à bas de sa britchka et à pousser la porte. Il pénétra dans une pièce d'entrée spacieuse et sombre, dont l'atmosphère glaciale sentait le moisi, comme dans une vieille cave voûtée. De cette sorte de vestibule, presque méconnaissable, il entra dans une chambre également sombre, à peine éclairée par un petit jet de lumière maladif et clignotant, qui partait d'une large fente au bas d'une porte. Ayant ouvert cette porte, il se trouva enfin au jour, et il fut fort surpris du désordre qui régnait dans cette troisième pièce. Lorsque, dans une maison habitée, on fait la grande lessive des planchers, les laveuses essuient, rassemblent et amoncellent pyramidalement, pour l'occasion, tous les meubles, les petits sur les grands, et comblent les interstices au moyen des objets les moins encombrants du mobilier. Tel est l'aspect général que, sauf l'essuyage, offrait cette chambre où Tchitchikov s'arrêta stupéfié. Sur une table à jeu ouverte, on voyait une chaise cassée, et tout contre ce débris, une pendule, dont le balancier était si bien arrêté qu'une araignée y avait déjà fixé une partie de sa trame savante. Tout près se tenait, adossée contre le mur, une armoire contenant de la vieille argenterie, 5 ou 6 carafons et de la porcelaine de Chine plus ou moins avariée. Sur un bureau orné d'une marqueterie en nacre, où la nacre, faisant défaut dans plusieurs endroits, était remplacée par un résidu jaunâtre de colle forte, il se trouvait un vrai tohu-bohu poudreux d'objets divers. Une couche de paperasse, très finement minutée, réunie sous un presse-papier en marbre verdâtre surmonté d'un œuf jadis blanc. Un vieux bouquin, reliure en veau, tranche rouge. Un citron sec, réduit aux proportions d'une noix de muscade. Un bras de quelque ancien fauteuil, curieusement sculpté. Un verre à pâte, qui contenait, piqué de 3 mouches, le résidu de quelque ratafia. Une enveloppe de lettres, qui avait servi, mais qui, retournée comme elle l'avait été, pouvait servir encore, et couvrait cette singulière conserve. Un petit bout de cire à cacheter, un chiffon éraillé servant de couche à 2 plumes chargées d'un bourrelet d'encre et dévorées par les tisis. Un cure-dent, devenu complètement jaune, et dont le maître faisait usage à l'époque où il avait des dents, peut-être avant l'invasion des Français. Aux parois était appendue, en rang serré et sans aucun scrupule de symétrie, une quantité de tableaux. Une longue grature, inégalement souillée de nuages jaunâtres, produit du temps et de l'humidité. Elle était sans vitre, dans un cadre de bois rouge, orné d'étroites et minces lames de cuivre et d'une rosace à chacun des 4 coins. Elle représentait des fleurs, des fruits, une tranche de melon d'eau, une hure de sanglier et un canard, la tête en victime. Au milieu du plafond pendait un lustre enveloppé d'une housse de toile hérissée d'une folle poussière qui le faisait ressembler à une coque de verre à soie contenant sa chrysalide. Dans un coin de la chambre, on voyait un ramas d'objets bien plus grossiers et indignes de figurer sur les tables. Quant à ce qui composait ce tas informe, il était difficile de le deviner, car la poussière, qui en recouvrait les moindres parties, était si épaisse que les mains qui se seraient hasardées à s'y porter y auraient, à l'instant, gagné une paire de mitaines grises. Ce qu'il y avait là de plus saisissable à la vue, c'était un fragment de pelle ou de bêche, et une ex-semelle de bottes. Il eût été bien impossible de dire que dans cette chambre habitât un être humain, si le fait n'eût été rendu quelque peu probable par la présence d'un vieux bonnet graisseux et non poudreux posé sur la table. Pendant que notre héros examinait d'un œil curieux tout ce singulier ameublement, une porte latérale s'ouvrit et Tchitchikov vit apparaître cette même ménagère qu'il avait rencontrée dans la cour. Seulement ici, il reconnut, voyant la figure de plus près, que ce devait être un régisseur ou un intendant, et non pas une ménagère. Car enfin, une ménagère ne se rase pas, et cet être douteux se rasait. Rarement, il est vrai. Mais enfin, il avait barbe au menton, barbe drue, barbe comparable aux étries en fil de fer dont on fait usage dans les écuries. Tchitchikov, donnant à sa figure une expression interrogative, attendait impatiemment que cet homme s'expliquât. Cet homme, de son côté, attendait que Tchitchikov lui adressât la parole. Ce fut, en effet, ce dernier, qui, pour en finir de cette situation peu récréative, prit le parti de dire à cet inculte subalterne, à ce grivois mal appris, « Eh bien, le maître est-il à la maison ? Dis-moi. » « Le maître est ici, » répondit le prétendu subalterne. « Mais où est-il donc ? » ?»« Ah ça, êtes-vous aveugle ? Qui interrogez-vous ? Qui demandez-vous ? Le maître ? Eh bien, c'est moi qui suis le maître. » Ici, notre héros recula involontairement de deux pas et regarda avec une grande attention le personnage. Il lui était arrivé dans la vie de voir bien des sortes de gens, même des gens tels que, peut-être, il n'arrivera ni à mon lecteur, ni à moi d'en jamais voir. Mais il n'en avait pas vu un seul de cette apparence. Son usage ne présentait toutefois rien de particulier. Il avait de l'analogie avec le commun des vieillards maigres. Seulement, son menton avait une saillie si prodigieuse que, pour ne pas cracher dessus, il devait à tout coup le couvrir de son mouchoir. Ses petits yeux n'étaient pas encore éteints, et au contraire, il se montrait très éveillé sous l'ombrage d'épais sourcils, comme les souris, quand, avançant hors de leur sombre retraite leur fin museau, l'oreille au guet, la moustache agitée, elles regardent s'il n'y a pas là en embuscade, soit un chat, soit un vaurien d'enfant, et que, soupçonneuses, elles flairent attentivement l'atmosphère du lieu. Ce qui était beaucoup plus remarquable que la figure de ce gentilhomme, c'était son costume. Il n'y avait aucun moyen de deviner de quelle étoffe pouvait avoir été faite originairement la souquenille qui couvrait ses membres décharnés. Les manches et le dos étaient tellement graisseuses et lustrées que ses parties ressemblaient à ce yuft ou cuir de Russie dont on fait nos bottes. Derrière lui, au lieu de deux basques, il lui en pendait quatre, qui montraient en plusieurs endroits la ouate dont ce vêtement sans nom était doublé. Son cou, de même, était entouré d'un objet qui pouvait avoir été un bas, une bretelle, une jarretière, une ceinture, je ne sais, mais certainement pas une cravate. Si Tchitchikov eût rencontré cet homme ainsi accoutré dans quelque recoin d'un porche d'église ou vers l'entrée de quelque jardin public, il est fort probable qu'il lui aurait glissé un sou dans la main. Je saisis cette occasion de dire, à la gloire de notre héros, qu'il aimait beaucoup à donner aux pauvres un sou de cuivre. Mais l'homme, que, pour le quart d'heure, il avait là devant lui, n'était pas un mendiant, mais bien un gentilhomme, seigneur terrier, possesseur de plus d'un millier d'âmes. Et il n'eût été donné à personne de trouver chez un autre autant de blé, de grains de toute nature, de farine, sons et recoupes entreposés, et des hangars, des magasins, d'immenses séchoirs à ventilateurs, encombrés d'une si grande quantité de toiles et de draps en pièces de touloupes tannées ou courroyées, de laine cardées et non cardées, en balles, en écheveaux, de poissons sorts et fumés, de tous les légumes imaginables. Avoir tout à coup, par hasard, sa cour réservée, sa grande officine où il avait rassemblé en provisions considérables toute espèce d'ustensiles et de vaisseaux en bois parfaitement neufs, il n'est pas un Russe qui ne se fût cru à Moscou, au marché dit Tchetchepnoï, au Kopo, où se rendent journellement les belles-mères des jeunes ménages, suivies de leurs cuisinières, pour faire leurs emplettes, et où l'on voit blanchir en monceaux bois ouvrés, bois ouvragés, bois cousus, bois tournés, bois raccordés, cerclés, tissés, tressés, les baquets, éviers, cuves, cuviers, auges, tonnes, barils, brocs, puisoirs, seaux, sébiles et escarcelles, tabourets de toute hauteur et largeur, puis corbeilles, corbillons, paniers, en hêtre, en bouleau, en osier tressé, et enfin toute cette catégorie des objets dont fait usage aussi bien la Russie pauvre que la Russie opulente. Plushkin en possédait une énorme quantité. Et pourquoi ? Il n'eût pu en employer le tiers dans tout le cours de sa vie. Eût-elle été fort longue, et ses domaines eussent-ils eu le triple d'étendue ? Eh bien, cela lui semblait peu, bien peu. Et ce qui prouve qu'il le pensait ainsi, c'est qu'il allait chaque jour explorer les rues et les ruelles, les dessous des ponts, les monceaux d'ordures, et tout ce que pouvait détourner le bout crochu de son bâton et ses doigts plus crochus encore. Une vieille semelle de chaussure, une guenille, un clou, un tesson de peau, il emportait tout, et allait l'ajouter au tas que Tchitchikov avait regardé avec étonnement dans l'un des angles poudreux de la chambre. « Allons, voici le maître parti pour sa chasse !» se disaient entre eux les paysans quand ils le voyaient en quête de cet étrange gibier. Là où il avait passé, il ne restait dans la rue rien, rien à relever ni à balayer. Un officier, étant venu à passer à cheval, perdit dans le chemin un de ses éperons. Il s'en aperçut presque aussitôt et rebroussa pour jeter un rapide coup d'œil sur le chemin. Mais point d'éperon. Il était déjà ajouté à la masse dont nous avons parlé. Si une villageoise, dans un moment de distraction, oubliait un moment son seau près du puits, vite, vite, il emportait le seau. Mais si un paysan le prenait sur le fait, il ne contestait point, et il livrait l'objet sans même donner signe de surprise. Seulement, il ne fallait pas attendre de lui cette abnégation muette si une fois l'objet était entré dans son tohu-bohu. Car en ce cas, il jurait l'avoir bel et bien acheté de ses deniers telle année, tel jour, en tel endroit, ou le tenir de son grand-père par héritage. Dans sa chambre, il relevait patiemment tout ce qui pouvait être tombé par hasard sur le plancher. Un tout petit bout de cire à cacheter, une toute petite rognure de papier, une barbe de plume, un brin de crin ou de duvet, n'importe. Il déposait tout cela sur son bureau ou sur l'appui de l'une de ses fenêtres. Il fut un temps où cet homme-là n'était qu'un propriétaire économe. Il avait eu femme et enfants. Quelques voisins venaient de loin en loin s'asseoir à sa table, prendre son avis sur bien des choses, et surtout apprendre à être sans honte bon ménager de leurs revenus. Tout, dans ces domaines, était actif et vivant. Tout, sans trace de contrainte, était assujetti à la règle, à la volonté méthodique du maître. Moulins à blé, moulins à foulon, usines, fabriques de draps, teintureries, ateliers de menuiserie, tisseranderies, tout se mouvait régulièrement. Partout, et dans tout, veillait l'œil pénétrant du maître. On ne voyait pas briller la moindre sensibilité dans ses traits, mais son regard annonçait une intelligence très vive. Son langage se ressentait de son expérience et de sa connaissance du monde, et on avait généralement plaisir et profit à l'entendre. Son épouse, qui était aussi polie que communicative, aimait à faire les honneurs de la maison. On trouvait encore chez eux un surcroît d'agrément à voir les deux filles qu'ils avaient, jolies toutes les deux et fraîches comme la rose du matin. Puis accouraient du jardin ou du village leurs jeunes frères, enfants faits de vrais salpêtres, pleins de pétillance et de gentillesse, qui se jetaient au cou de tout le monde, sans se soucier de savoir si l'on trouvait du plaisir ou non à ses caresses. Dans la maison, en été, on tenait toutes les fenêtres larges ouvertes. Le hall était occupé par un instituteur français, en tout temps admirablement rasé, même quand il était à la chasse, son passe-temps favori. Il rapportait presque toujours des coqs de bruyère et des canards sauvages, mais quelquefois aussi rien que des œufs de moineau, dont il se faisait faire une omelette qu'il mangeait tout seul, car personne que lui ne faisait cas de ce mets-là. Au même étage habitait aussi une de ses compatriotes, qui était la gouvernante française des deux demoiselles. Le maître de la maison paraissait toujours à sa table en surtout vieux et usé, propre cependant et encore mettable. Mais il perdit sa femme. Ce fut dans la famille une perte immense. Une partie des clés et des menus soins de ménage incomba à Plushkin. Il devint soucieux et, comme tous les veufs prédisposés à la lésine, plus soupçonneux et plus chiche. Il ne pouvait compter sur sa fille aînée Alexandra. Il se défiait d'elle et elle ne tarda pas à lui donner raison en s'enfuyant avec un officier d'un régiment de cavalerie qu'il épousa en toute hâte dans quelque église de village. Le père ne pouvait souffrir les officiers, persuadé que ce sont tous des joueurs et des dissipateurs. Il envoya à sa fille sa malédiction et ne songea pas un instant à la faire poursuivre. La maison se trouva bien vide et le maître tourna plus évidemment à l'avarice. Les cheveux gris à reflets argentins, qui sont inséparables de cette passion, venant à briller chaque jour avec plus d'éclat sur sa tête crépue, lui conseillèrent énergiquement de retrancher de son entourage tout ce qui était dépense, puis de s'attacher à tout ce qui était argent ou pouvait à volonté se convertir en argent. Le précepteur français fut congédié parce qu'il était temps que le jeune homme entrât au service. La gouvernante fut mise à la porte, véhémentement soupçonné d'avoir prêté les mains à la fuite d'Alexandra. Le fils, expédié au chef-lieu du gouvernement, afin d'étudier par la pratique, dans les tribunaux de la localité, les avantages attachés à l'exercice des magistratures, selon le désir formel de son père, entra au lieu de cela dans un régiment et se hâta d'écrire à son père en le suppliant de lui envoyer sans retard de quoi faire face aux frais de son équipement. On comprend que, de l'humeur dont était le père à cette nouvelle, le jeune guerrier reçut une effroyable rebuffade et pas un denier au bout. Enfin, sa seconde fille, qui, depuis le décès de sa mère et la fugue de sa sœur, ne faisait plus que dépérir devant le spectacle des froids transports du père, prit le parti de s'éteindre tout à fait, de sorte que le vieillard se trouva seul. Mais aussi, seul conservateur, seul gardien irresponsable, seul dominateur absolu de ses richesses. La vie isolée fournit une abondante pâture à l'avarice, qui, comme on sait, a une faim de loup, et plus insatiable à mesure qu'elle dévore davantage. Les sentiments humains, qui déjà étaient en lui à l'état de bien rares phénomènes dans sa vie de famille, s'évanouirent à jamais de son âme, c'est-à-dire de cette ruine sombre, d'où chaque jour tombait sans retour un fragment chanci de ce que la nature y avait mis dans l'origine. Il arriva, comme pour confirmer l'opinion de Plushkin sur messieurs les militaires, que son fils fit une perte aux cartes. Aussitôt, il lui écrivit qu'aucune lettre de lui ne serait plus reçue. que sa personne, s'il se présentait, serait reçue encore moins. Et l'épître paternelle se terminait par la plus solennelle malédiction. Depuis ce jour, il s'arrangea de manière à ignorer complètement si son fils unique vivait encore ou s'il ne vivait plus. Tous les ans, on bouchait des fenêtres à sa maison. À la fin, il n'en restait plus que deux, dont l'une, comme nous l'avons vu, avait des emplâtres de papier à sucre sur les vitres. D'année en année, les principales parties de l'économie tombèrent, faute de surveillance et d'entretien. C'est que l'œil pénétrant de Plushkine se portait sur les rognures de papier, sur les bouts de ficelle et sur les brins de duvet, et qu'étant seul au monde de son sang, il ne pouvait plus guère s'éloigner de son musée de clous rouillés et de guenilles. Il était devenu de plus en plus intraitable pour les acheteurs qui se présentaient avec l'intention de lui proposer un prix convenable de ses produits. Tous successivement s'éloignèrent, unanimes à dire que c'était un diable incarné, un gnome et non pas un homme. Le foin et les blés pourrirent, les meules se métamorphosèrent en un fumier où l'on aurait pu cultiver le chou pour en tirer quelques parties. La farine, amoncelée sous des voûtes humides, se convertit en pierre, et il eut fallu les pieux et la hache pour la déloger de là. Dans les séchoirs, vastes halles, on eut craint de toucher du bout d'une perche aux toiles, aux feutres et aux draps, tout cela pouvant contagieusement devenir une avalanche de poussière. Il finit par oublier lui-même le chiffre des quotités de chaque chose, mais il lui revenait sans cesse en mémoire d'avoir mis sur une petite armoire un carafon solide contenant un reste de ratafia, et où il avait fait sa marque pour que personne ne pût en prendre une gorgée à son insu. Il se rappelait les endroits où il avait déposé une clé sans emploi, un vieux clou tordu et un informe bâton de cire à cacheter, industrieusement formé par lui du cachet des enveloppes de lettres qu'il avait reçues en divers temps. Et cependant, le revenu du domaine n'avait subi aucune baisse. Le paysan était soumis à la même redevance. Chaque femme devait apporter la même quantité de baies, de champignons et de noisettes, chaque tisserande fournir le même nombre de pièces de toile, et le tout passer dans les embarras et les magasins pour y devenir moisissure, et pourriture, et haillons. Et lui-même, le maître de ses biens, n'était plus guère qu'une sorte de haillon de l'humanité. Sa fille Alexandra vint le voir deux fois. La première fois, avec son fils âgé de 3 ans, pour essayer de tirer quelque chose du grand-père. Il paraît que la vie des camps n'avait pas autant de charme qu'elle se l'était imaginée avant l'escapade. Plushkine eut la délicatesse de ne point lui reprocher l'irrégularité de son mariage. Et, ce qui est plus fort, il prêta au jeune enfant, pour jouer un peu, je ne sais quel bouton armorié qui avait sa place marquée sur la table poudreuse, mais il ne donna pas un rouge liard à la mère. À la deuxième fois, Alexandra apparut avec 2 enfants et lui apporta une brioche, et, comme objet de durée, une robe de chambre ouatée, ayant remarqué à sa première visite que son père continuait à porter un vieux calate qui faisait peine et honte à regarder. Plushkine fut tellement touché de cette attention qu'il sourit aux 2 marmots, les posa en amazone, chacun sur un de ses genoux, et les secoua exactement comme s'ils étaient à cheval, allant un petit train de galop. Il accepta de bonne grâce la robe de chambre et la brioche. Mais lui, de son côté, il ne donna absolument rien à sa fille. La pauvre Alexandra, voyant qu'elle ne faisait pas ses frais, ne reparut plus chez son père. Tel était le gentilhomme propriétaire de 1000 âmes qui se trouvait devant Tchitchikov. Je me hâte de dire qu'un tel phénomène se fait rarement observer en Russie, où tout dans l'existence nationale est plus porté à l'expansion et à la raréfaction qu'à la restriction et à la condensation. Phénomène d'autant plus frappant que, dans le même district, habitent joyeux viveurs, des seigneurs terriers qui jouissent largement à la russe de tous les avantages que la nature et la société leur ont faits, et mettent leur amour-propre à brûler la vie d'outre en outre pour lui donner des tons chauds. Un haut bureau russe tâche d'être toujours en fête. Un voyageur qui passe pour la première fois par ses terres s'arrête ébahi à la vue du manoir, se demandant quel prince apanagé est venu tout à coup se créer une résidence de fantaisie au milieu de tant de petits propriétaires d'un canton inconnu et sans route. Le passant prend pour un palais des maisons de briques ou de moellons blanchies à la craie, surmontées d'une légion de cheminées, de belvédères, de girouettes, tout entourées d'un régiment d'ailes et de tout ce qu'il faut pour la commodité des visiteurs, arrivant le plus souvent pour quelques jours, avec femmes, enfants, valets et chevaux. Que ne trouve-t-on pas chez le hobereau? Ce sont des banquets, des spectacles, des bals, des promenades nocturnes dans des jardins grands comme des parcs royaux, illuminés à giorno par des feux de bivouac et des milliers de lampions, et animés par les enchantements d'une musique harmonieuse et variée. La moitié d'un gouvernement est là, vêtue de ce qui embellit les formes et ne les cache pas, se promenant sous les arbres et dans les méandres des labyrinthes. Au niveau de cette clarté forcée, rien ne semble ni morose ni terrible. Elle jaillit théâtralement du décor des fourrés, où branches et feuillages s'enluminent au rebours de l'ordre naturel, ayant leurs fraîches teintes vertes en moins. Tandis qu'en haut, plus grave, plus morne, s'enveloppe d'obscurité le ciel noir de la nuit, et les cimes aux feuillages tremblants, grelottants, paraissent plonger plus loin dans les profondeurs de l'ombre assoupie et murmurer de cette fausse lumière dont le bizarre caprice des hommes s'égaye à inonder leurs pudiques racines. Il y avait quelques minutes que Plushkin se tenait immobile et silencieux devant notre héros. Tchitchikov, de sa part, ne pouvait entamer la conversation, préoccupé qu'il était par l'aspect du phénomène et de l'étrange bric-à-brac qui lui servait de cadre. Son imaginative ne savait sous quelle forme présenter la cause de sa visite. Il avait eu l'idée de dire à Plushkin qu'ayant entendu exalter ses vertus et les belles et rares qualités de son âme, il s'était fait un devoir de venir personnellement lui payer un légitime tribut d'hommage. Mais il sentait qu'un tel langage serait par trop obséquieux vis-à-vis d'un pareil homme. Il jeta de nouveau un regard, en général, sur tout ce qui était dans la chambre, et comprit qu'il y avait lieu de changer les mots de vertu et de belle qualité en ceux de remarquable esprit d'ordre et d'économie. Par suite de cette résolution, il lança sa phrase et l'acheva en disant qu'il avait cru devoir venir lui présenter l'assurance de son respect. Sans doute qu'en cherchant bien, il eût pu trouver un prétexte fort ingénieux. Mais, malgré les avertissements de Sabakevitch, il y avait d'une part urgence de parler, et d'une autre stupeur invincible, et son esprit ne sut rien improviser de plus convenable comme avant-propos. Plushkin marmotta. Je ne dirais pas entre ses dents, il n'en avait plus une seule. Entre ses lèvres sèches et blafardes, des paroles insaisissables, dont le sens était probablement « Oh diable, ton respect et ta personne !» Mais, comme les usages de l'hospitalité russe ont encore tant d'empire qu'il est impossible, même à un grippe-sous, d'en braver impunément les lois, il dit d'une manière assez distincte « Asseyez-vous là, je vous prie. » Et après un moment de silence, il ajouta « Il y a longtemps qu'on ne vient plus me voir, et j'avoue que je n'en suis pas fâché. On a établi, Dieu sait qui et à quelle époque barbare, la très impertinente coutume de secourir les uns aux autres, comme si on voulait ne permettre à aucun de s'occuper de ses affaires. Celui chez qui on fait irruption doit donner son foin à des chevaux étrangers. J'ai dîné depuis plus de 4 heures. Ma cuisine est froide, basse, toute délabrée. Il s'est fait ce matin un éboulement dans la cheminée. Si je faisais allumer du feu, vous verriez pour sûr un incendie. « C'est bien l'homme qu'on m'a dit, » pensa Tchitchikov. Mais après le dîner de Sabakevitch, on peut attendre. J'ai mangé là-bas comme pour toute une semaine en 2 heures de temps. Et pour du foin, pas un brin. Mais pas un brin ici, ni chez moi, ni au village. Et en effet, comment garderais-je du foin? J'ai une terre grande comme la main. Le paysan chez moi est paresseux, il a horreur du travail et ne rêve que cabaret. Avant qu'il soit peu, je serai à la besace. Voilà le sort réservé à mes derniers jours. On m'a pourtant raconté, dit Tchitchikov avec hésitation, que vous possédiez 1000 paysans. Ah, miséricorde, qui a pu vous dire cela? Ah, vous auriez bien dû, par charité chrétienne, lui cracher à la figure à celui qui vous a fait ce compte-là. C'est un méchant, un goupilleur qui a voulu s'amuser à vos dépens. 1000 âmes, 1000 âmes, moi! Ils n'ont pas tenu registre de la mortalité des derniers temps. Le compte des paysans qui me restent n'est pas long à faire, allez. Dans ces 3 dernières années, les fièvres m'ont enlevé tout ce que j'avais de gens valides. Bon Dieu, quel malheur! S'écria Tchitchikov d'un grand air de profonde commisération. Ainsi, les fièvres vous en ont tué beaucoup. Beaucoup, oui, beaucoup. Aïe, aïe, aïe! Et combien? Eh, mais bien 80! Qu'est-ce que vous me dites donc là? Monsieur, je ne mens pas. Permettez, ces âmes, vous les comptez, je suppose, depuis l'époque du dernier recensement. Je le voudrais bien, mais non. Depuis le temps dont vous parlez, c'est 120 au moins que j'ai perdu. En vérité, 120! S'écria Tchitchikov, qui d'émotion resta bouche béante. Je suis trop vieux pour m'amuser à mentir. J'ai près de 70 ans, monsieur. Plushkin, en parlant ainsi, se montrait offensé de l'exclamation, joyeuse au fond, de notre héros. Tchitchikov se fit scrupule pourtant. Il lui sembla inconvenant à lui-même d'éprouver si peu de pitié pour le malheur du prochain. Aussi poussa-t-il bien vite un soupir en disant qu'il compatissait à sa peine. La compassion, mon cher monsieur, est une chose qui ne se met pas en poche, dit Plushkin. Tenez, par là, tout près de moi, habite un capitaine, mon parent, à ce qu'il dit. On ne sait souvent d'où viennent ses parentés. Mon oncle, mon bon oncle, qu'il me dit. Et il me baise les mains, et il se met à me plaindre, que si je faisais trouvaille d'un peu de coton en ces moments-là, je m'en tamponnerais les oreilles. C'est un rougeau. Il a la figure en feu parce qu'il détrempe sans cesse ses attendrissements dans les alcools. Pour sûr, il a mangé et bu son avoir en menant la vie d'officier. Ou bien une nymphe de coulisse lui a tout soutiré. Et à présent, il est tendre pour moi. Il me plaint, il gémit de mes misères, le tourtereau. Je suis son bon oncle. Tchitchikov tâcha de faire comprendre que son apitoiement était purement sympathique et nullement de la même nature que les effusions du capitaine. Il ajouta qu'il était, quant à lui, tout prêt à prouver, non par de vaines paroles de sycophante, mais par des faits et sur l'heure, l'intérêt qu'il avait involontairement témoigné. Il déclara pour preuve qu'il offrait à payer, à la place de Plushkin, la capitation des paysans morts dans son domaine dans le temps de la contagion, et même de tous les 120. Cette proposition, au premier moment, parut à Plushkin quelque chose d'incroyable ou de providentiel. Il se frotta les yeux, regarda longtemps son interlocuteur, et à la fin lui dit « Monsieur, vous n'avez jamais été, vous, au service militaire ?»« Non, » répondit Tchetchikov d'un air d'intelligence, « j'ai servi dans le civil. » Dans le civil, dans le civil, répéta Plouchkine en mâchant des lèvres comme s'il mangeait quelque cartilage. Puis il ajouta « Ça, mais comment donc? Comment? Songez donc que vous dépenserez de l'argent comme ça? » « Pour vous prouver que je suis sincère et pour vous obliger, je veux bien faire quelques frais, » dit Tchitchikov, qui en ce moment tenait sa tabatière ouverte et semblait inspecter la charnière à l'intérieur, ce qu'il faisait toutes les fois qu'il avait à prononcer une phrase purement diplomatique. « Ah, mon père! Ah, mon bienfaiteur !» s'écria Plouchkine. Et dans le trouble de sa joie, il plongea trois doigts dans le tabac de son interlocuteur, s'en remplit le nez au point d'en éprouver un moment de vertige, pendant lequel sa souquenille s'ouvrit beaucoup plus que ne le permettait la bienséance. « Il y a donc quelqu'un sur la terre pour soutenir le vieillard ?»« Ah, saint du paradis! Ah, seigneur mon Dieu! Ah !» Il n'en put dire davantage. Mais il ne se fut pas écoulé une minute que ce vertigineux transport de joie, qui venait d'éclairer son visage de bois, disparut subitement sans laisser la moindre trace, et ses traits reprirent la même expression soucieuse et méfiante. Il tira du fond d'une très grande poche un mouchoir d'un âge respectable et s'en essuya le tour des yeux. Puis, mettant le linge en pelote, il s'en épongea la lèvre supérieure. Tchitchikov rempocha sa tabatière en jetant les yeux sur la carte géographique qui s'était dessinée d'elle-même au plafond, après quoi il se posa les mains sur les genoux et regarda placidement la face de Plouchkine ramenée à son vrai caractère. Plouchkine reprit. « Ça, comment? Excusez la liberté, je ne voudrais pas être indiscret, mais comment donc? Vous prenez sur vous de payer leur capitation, oui? Et vous donnerez cet argent à moi? À moi? Ou bien à la couronne? En effet, vous m'y faites songer. Eh bien, voici ce que nous allons faire. Nous passerons un acte, en bonne forme, d'après lequel vous serez censé me les avoir vendus, et moi, les avoir achetés de vous, tout comme s'ils étaient en vie. « Oui, un acte, un acte, » dit Plouchkine en se remettant à mâcher de l'air. « Un acte à passer, c'est de la dépense. Les commis, clercs et greffiers sont un peuple sans conscience. Il y a eu un temps où, pour quelques sous et un sac de farine, on sortait d'affaires. Mais aujourd'hui, ce serait peu d'un convoi entier de gruaux de choix si vous n'ajoutez le billet rouge. » C'est une telle soif d'argent. Je ne conçois pas qu'on ne porte nulle attention à ce fléau. Ne devrait-on pas les rappeler aux soins de leur salut? On fait des prodiges avec de bonnes paroles. Il y a des gens bien corrompus qui pourtant ne résistent pas si on leur parle avec l'onction convenable du salut de leur âme. Tu résisterais à plus que cela, toi, pensa Tchitchikov. Et il déclara que, par considération pour lui, il prendrait aussi à son compte les frais de l'enregistrement. Plouchkine conclut, de ce qu'il venait d'entendre, que l'homme qu'il avait devant lui était archi-sot, qu'il prétendait en vain avoir servi dans le civil, qu'en réalité il avait dû être militaire, qu'il avait joué, bu et tourné autour des rats de balai, comme ils font tous. Cependant, il ne put contenir les éclats de sa joie. Il souhaita tous les biens du monde, non seulement à ce maître sot, mais à toute sa progéniture, sans lui demander s'il avait ou non de la progéniture. Il alla à sa fenêtre, frappa à une vitre qui n'était pas encore fêlée, et cria « Hé, Proshka !» Quelques moments après, on entendit dans l'entrée un homme essoufflé qui se donnait un grand mouvement et frappait du pied contre le plancher comme un rustre qui chausse ses bottes. Puis la porte s'ouvrit, et il entra dans la chambre un pauvre jeune gars de 13 ans, traînant avec une difficulté infinie une paire de bottes d'une remarquable solidité, mais où les jambes de l'enfant dansaient comme le pilon dans un mortier d'apothicaire. Il faut bien que nous disions en passant pourquoi Proschka comparaissait si grotesquement beauté. C'est que monsieur de Plouchkine, pour l'usage de tout ce qu'il s'entretenait de gens à son service, n'avait qu'une paire de bottes, une seule, et ces bottes devaient toujours se trouver dans la pièce d'entrée de la maison seigneuriale. Ainsi, celui ou celle des domestiques qui étaient appelés dans les chambres accourait nu-pied en sautillant à travers la cour pour éviter les pointes de cailloux ou les flaques. Puis, en pénétrant dans l'entrée, vite il se bottait et comparaissait devant le maître. À l'instant même où il sortait de la chambre, il se débottait dans un coin de l'entrée et s'en retournait de son pied léger là d'où il était venu ou ailleurs. Si, vers la fin de l'automne, à l'époque des premières gelées, toujours les plus sensibles aux êtres mal armés contre l'intempérie, quelqu'un eût regardé de la fenêtre dans cette cour, il aurait vu toute la domesticité locale faire, à de certains moments, des sauts et des gambades d'un genre nouveau, et mieux même pour les amateurs de ballet les plus dilettanti de nos trois capitales. « Voyez, monsieur, regardez-moi ce groin-là !» dit Plouchkine à notre héros en lui montrant au doigt la figure chiffonnée de Proschka. « C'est bête comme une idole tartare. Eh bien, essayez de laisser quelque chose à portée de sa griffe. Ce sera chippé en un clin d'œil. Pourquoi faire es-tu venu ici, imbécile? Voyons, dis !» Ici, l'hôte de Tchitchikov observa un temps de silence, à quoi Proschka répondit aussi par un modeste silence. « Mets de l'eau dans le samovar et du charbon dans le foyer. Va allumer en soufflant là-bas au milieu de la cour, et tu me l'apporteras ici, sur cette table. Attends donc, prends cette clé, donne-la à Mavra, dis-lui d'aller au garde-manger. Elle y trouvera un reste sec de koulitch qu'a apporté Alexandra Steponovna. Nous mangerons cela avec notre thé. Hé hé. « Attends, où vas-tu donc, maître fou? Est-ce que le diable te gratte le jarret, que tu ne te possèdes pas, drôle? Écoute, le crouton est un peu moisi en dessus. Mavra doit râper ça avec un couteau, et qu'elle ne jette pas cette chapelure, mais qu'elle la porte au poulailler. Quant à toi, prends bien garde. Ne t'avise pas, frère, de mettre le pied dans le garde-manger. Autrement, tu sais ce que tu auras. Nous avons par là du boulot frais, si le cœur t'en dit. Tu as déjà, j'en suis sûr, un excellent appétit. Cela te l'aiguisera encore, tu verras. Essaye, essaye de te glisser dans mon garde-manger. Moi, pendant ce temps-là, je te regarderai faire de cette fenêtre. Va, va. C'est un petit gueux, monsieur, à qui l'on peut se fier en rien. » ajouta-t-il en s'adressant à Tchitchikov, tandis que Proschka se tirait de la chambre et des bottes du seigneur. Plouchkine s'étant, par ses dernières paroles, remis dans une logique de suspicion, se met tout à coup à regarder Tchitchikov aussi d'un œil soupçonneux. Des traits d'une libéralité si extraordinaire commencèrent à lui sembler décidément incroyables. Il se dit en lui-même « Le diable sait ce que c'est que cet homme. C'est peut-être tout bonnement un fanfaron, tel que tous ces évaporés de régiment. Il vient ici entasser mensonge sur mensonge pour le seul plaisir de babiller et de s'abreuver de thé. Puis tout à coup il partira tout joyeux de m'en avoir donné à garder. » Et par précaution, et un peu aussi pour le mettre à l'épreuve, il lui dit qu'il ne serait pas mal d'instrumenter l'acte de cession le plus tôt possible. Que l'homme n'est jamais sûr de son lendemain, qu'on est en vie aujourd'hui et que... Tchitchikov se montra prêt à rédiger et à signer l'acte à l'instant même. Il n'avait besoin que d'une liste exacte de tous les individus. Ce langage tranquillisa Plouchkine. Dès lors, il se mit en mouvement comme pour faire quelque chose de galant. En effet, ayant pris ses clés, il s'approcha d'une petite armoire en ouvrit la porte, déplaça à plusieurs reprises bien des verres, des tasses, des fioles et des flacons, en disant « Allons, vous verrez que je ne le retrouverai pas. C'est pourtant un carafon comme ceci. J'avais là un ratafia de prunes. Ils me l'auront lapé. Oh, les gens, tous voleurs, tous brigands. Ah, ne serait-ce pas ça? Eh oui !» Tchitchikov vit dans les mains de son vénérable hôte un carafon entièrement couvert d'une épaisse et folle poussière qui ressemblait à une housse de peluche grise. « C'est ma feu femme qui a fait ce ratafia, » reprit Plouchkine. « Elle avait une pandarde de ménagère qui allait jeter ce reste, figurez-vous. Je suis venu à temps. Mais croiriez-vous qu'elle l'a laissé déboucher, la chienne ? Dieu me pardonne. Des mouches, des pucerons, des insectes de toutes sortes sont allés se saouler et crever là-dedans. Mais quand je l'eus remarqué, j'ai fait sortir toute cette ordure. J'ai bouché. Et voyez comme c'est resté pur. Je vais vous en servir un bon petit verre. N'est-ce pas, cher monsieur ? Non, non, je vous suis fort obligé. Mais non, voyez-vous, j'ai aujourd'hui un peu plus mangé que de coutume, et je m'en tiens là. Vous avez bu et mangé ? Bu et mangé ? Ah, voilà ce que c'est. Les personnes de la bonne société se reconnaissent aux moindres choses. Elles ne mangent pas et elles sont rassasiées. Et un croquant, un écornifleur, une canaille, oh, celui-là, vous ne le rassasirez jamais. Ce n'est pas pour dire, mais tenez, mon voisin le capitaine, mon parent à l'entendre. Bon, il arrive. « Oncle, dit-il, donnez-moi quelque chose à mettre sous la dent. » « Je vous assure que je ne suis pas plus son oncle qu'il n'est mon grand-père. Il faut croire qu'il n'a rien à manger chez lui et qu'il est souvent obligé, par la faim, de se mettre en campagne. Ça, il vous faut donc une liste nominale de tous ces vauriens. Eh bien, justement, je les ai tous inscrits tour à tour sur une feuille spéciale, afin de les radier sans aucune omission ni confusion possible lorsqu'il sera ordonné un nouveau recensement. » Plouchkine mit ses lunettes et paperassa. En déliant ses liasses de tout format, il régala son cher hôte de tant de poussière qu'il le fit éternuer. À la fin, il tira de presse le papier désiré. Il était chargé d'écriture en tous sens, jusque sur l'extrême bord. Les noms des paysans y faisaient fourmilière. On y voyait poindre des Paramons, des Pimèdes, des Pantéléimons, puis ressortait un certain Grégoire. « Arrive, tu n'arriveras pas. » Il y en avait 120 et quelques. Tchitchikov sourit à la vue d'une si abondante moisson de morts. Il plia la feuille et la mit dans sa poche, en avertissant Plouchkine qu'il lui faudrait, pour la conclusion de l'affaire, se rendre au chef-lieu. « Au chef-lieu ? À la ville ? Moi ? Qu'est-ce que vous dites ? Je laisserai ma maison à l'abandon ? Je n'ai ici que des voleurs, des pillards. Il ne leur faudrait pas 24 heures pour tout mettre à sec. Et à mon retour, je ne retrouverai pas un méchant clou au mur où pendre mon manteau. » « Eh bien, n'avez-vous pas là quelqu'un de connaissance ?»« Quelle connaissance, cher monsieur ? Toutes mes connaissances sont trépassées ou m'ont quitté. »« Ah, attendez, s'écria-t-il. Que je n'ai plus là une connaissance, c'est trop dire. Et tenez, j'ai pour vieille connaissance le président, le précédatel lui-même. Il venait même autrefois me voir ici. Et comment ne le connaîtrais-je pas ? Nous avons mangé au même râtelier, bu à la même auge, franchi les mêmes murs de verger. Oui, oui, nous sommes de vieux camarades et bons camarades. Faut-il lui écrire, voyons ? Écrivez-lui, puisque vous avez été, dites-vous, tout à fait intime. « Intime, oui, monsieur, c'est le mot. Comment donc ? Camarade d'école et de folie !» Et sur ce visage en racine de buis, tout à coup glissa je ne sais quel chaud rayon. Ses traits exprimèrent, non pas tout à fait du sentiment, mais une vague émotion. phénomène qu'on peut comparer à l'apparition inattendue et peu lointaine d'un naufragé à la surface des eaux. La foule qui se presse sur le rivage pousse soudain un cri de joie. Mais c'est en vain que les frères, les sœurs, les amis du malheureux lancent du rivage leur plus longue corde et guettent la réapparition de quelque partie de son corps. L'infortuné ne se montre plus nulle part. Tout est sourd, tout est morne, plus affreux, plus désert à la surface du gouffre. C'est ainsi que le visage de Plushkine, après cette lueur de trompeuse sensibilité qui s'y était montrée un moment, devint plus dur, plus métallique, plus froid, plus navrant qu'avant l'éclair. « Il y avait ici, sur cette table, un carré de papier blanc, » dit-il. « Et je ne sais vraiment pas ce qu'il est devenu. Je vous dis que je suis volé comme au coin d'un bois. » Et il fureta sur la table, sous la table, partout, sur sa chaise et sous celle de son hôte. À la fin, il se mit à crier. « Mavra ! Hé ! Mavra ! » Une femme, tout ahurie de ses cris, accourut, pieds nus, tenant des deux mains, sur une assiette, le vieux crouton qu'elle avait eu ordre de regretter. Et il s'établit, entre le maître et la servante, le dialogue qu'on va lire en substance. « Voyons, pandarde, dis-moi où tu as fourré le papier blanc. » « Je vous jure, mon grand Dieu, Barine, que je n'ai pas vu d'autre papier blanc chez vous que le tout petit morceau dont vous avez coiffé le verre à pied que voici. »« Allons, je vois, moi, à tes yeux, que tu me l'as volé. » »« Et pourquoi faire est-ce que je vous l'aurais volé? Je n'ai aucun besoin de ça, moi. Je ne sais ni lire ni écrire. » »« Fort bien, coquine. Tu l'as porté au jeune sacristain qui griffonne sans cesse. Voilà où tu l'as mis. » « Le jeune sacristain, s'il a besoin de papier, c'est bien s'en procurer sans compter sur le vôtre. »« Attends-toi à ce que, au jour du jugement, les diables t'empoignent gaillardement, mamie. Tu seras étendue sur des charbons ardents, sur un grill chauffé à blanc. Tu grilleras, grilleras, grilleras toute une éternité. »« Et pourquoi me grilleraient-ils, les diables, puisque je n'ai pas touché, moi, à votre papier ?» J'ai peut-être bien eu quelque autre faiblesse de femme, mais personne ne peut dire que je sois une voleuse. Oui, oui, les diables te feront griller. Ils te feront griller de ça et de là. Et ils diront, grille, coquine, point de quartier à la pandarde qui a trompé son seigneur. Et ils t'arroseront de la graisse toute bouillante. Et moi, je dirais, c'est injuste, Dieu m'en est témoin, je n'ai pas touché. Et tenez, voyez-le donc, votre carré de papier. Là, là, le voyez-vous? Vous me faites toujours des reproches sans sujet. » Plushkine vit, en effet, que son carré de papier était là. Il se tut, fit des mouvements de lèvres impossibles à ceux qui ont des dents, et finit par dire « Hé, comme tu t'emportes, est-elle mauvaise? Pour un petit mot qu'on lui dit, elle vous en répond vain. Va voir me chercher du feu, que je cachette une lettre. Non, attends, tu iras m'allumer une chandelle sans t'aviser que le suif brûle. Brûle, diminue, diminue. Et cherche, plus de traces. Et cela coûte de l'argent. Non, apporte-moi seulement une louchinka. » Mavra sortit, et Plushkine, s'étant installé dans un fauteuil de cuir noir et armé d'une plume, tourna et retourna longtemps son carré de papier pour voir si la moitié ne pourrait pas suffire. Mais, s'étant bien convaincu de l'impossibilité de tout dire sur un huitième de fouille, il plongea le bec de sa plume dans un encrier contenant un liquide noir, figé et piqué d'une quantité de mouches fossiles, et il se mit à écrire, en traçant des lettres assez semblables à des notes de musique. Sa main droite voulait toujours sautiller et se retirer de haut en bas, mais il la contenait de sa gauche et l'obligeait à serrer la maille au point que les lignes menaçaient de s'enchevêtrer les unes dans les autres. Et en même temps, il prévoyait, avec bien du regret, que, sa lettre terminée, toujours resterait-il beaucoup de blanc sur son recto, outre que le verso serait, hélas, tout entier consacré aux quelques mots de l'adresse. Et l'homme, peut tomber à ce degré de crasse ladrerie, d'effacement, d'abaissement, d'anéantissement moral? Quoi? Il pourrait à ce point répudier, aliéner sa nature? Est-ce donc vrai cela? Est-ce même supposable? Tout est supposable, tant est vrai dans les peintures qu'on fait de l'homme. Et les peintres, quoi qu'ils fassent, restent encore bien en deçà de la vérité complète. Le plus brillant jeune homme du jour reculerait d'horreur si le ciel lui montrait en songe la fidèle image de ce qu'il sera dans sa vieillesse. Collectionnez sur votre route, en sortant de la tendre adolescence pour passer à l'âge viril et vous préparer à la maturité, collectionnez précieusement tous vos bons et honnêtes mouvements d'humanité. Ne les abandonnez pas dans les fanges du chemin, vous ne les retrouveriez bientôt plus. Elle est effroyable à voir, la vieillesse qui ne cesse d'avancer sans bruit, et elle ne laisse rien reprendre, rien de ce qu'on a laissé de soi. La mort est moins affreuse qu'elle, le tombeau est moins impitoyable. Sur la tombe, il est inscrit « Sigy, qui fut un homme ». Mais vous ne lirez pas un mot, pas une syllabe du cœur dans les traits sombres, glacés de l'inhumaine vieillesse. « Ça, dit Plushkin en pliant sa lettre, ne connaîtriez-vous pas quelque ami à vous qui voulut acheter mes âmes non pas mortes, celles-là, mais en fuite ? Comment ? Des fugitifs aussi ? Et plusieurs cas ? Dit Tchitchikov en ouvrant de grands yeux. Justement, et même assez nombreux. Mon gendre a fait des battues au grand galop. Il dit que la piste est refroidie et perdue. Bah, c'est militaire, ça déchire toute affaire d'un coup d'éperon. Mais si quelqu'un d'avisé allait au tribunal, et là... Combien donc d'absents, je veux dire, de ces fugitifs? Eh bien, près de 70. Allons donc. Je vous jure, songez que pas un an ne s'est écoulé sans qu'il en disparu quelques-uns. C'est un monde affreusement goinfre. La paresse est cause qu'il ne songe qu'à baffrer. Et moi-même ici, je n'ai pas de quoi manger mon sou. Je m'accommoderai de ce qu'on m'en donnerait, voyez-vous. Expliquez bien cela à votre ami, je vous prie. Quand même, il n'en rattraperait que 10, il ferait une affaire d'or. Car vous le savez, dans notre gouvernement, l'âme inscrite est généralement évaluée 500 roubles. C'est ce que je me donnerais bien de garde de laisser à aucun ami, quel qu'il puisse être, se dit Tinpeto Tchitchikov, qui se hâta de répondre qu'il n'y avait pour cela à compter sur aucun ami, que les seuls frais de l'affaire coûteraient bien au-delà de ce qu'on pourrait jamais en tirer, qu'en abordant les tribunaux, on coupait les basques de son habit, et qu'on n'avait plus qu'à s'en aller avec sa courte honte. Il ajouta que, pourtant, si son hôte était en effet pour le moment en si grand état de gêne, il viendrait encore un peu à son secours en lui donnant de ses fugitifs, sans doute une bagatelle, si peu qu'il avait conscience d'en parler. « Mais enfin, combien ? Dites ! Combien m'en donneriez-vous ? » dit Plushkin avec ses crispations de doigts familières à l'avidité appréhensive des enfants d'Israël. « 25 kopecks par âme. » « Au comptant ? » ?»« Au comptant. » « Vous considérerez la misère où je suis, et vous m'en donnerez 40. » « Mon cher monsieur, ce n'est ni 25 ni 40 kopecks, mais bien 500 beaux roubles de chaque âme que je voudrais vous donner, et je les paierai alors même avec plaisir, parce que je ne puis tolérer de voir souffrir un bon et sage vieillard, victime de son excellent cœur. » « Oh, Dieu m'en est témoin, c'est bien ça, » dit Plushkin en penchant la tête sur sa poitrine et la hochant d'un air d'innocence persécutée. « Oui, trop de bonté, voilà mon histoire. » « Vous voyez bien, monsieur, que j'ai tout d'abord compris votre caractère. Et par conséquent, pourquoi ne vous donnerais-je pas 500 roubles pour chacune de vos âmes perdues ? Mais je n'ai point de fortune, Moi, je veux bien encore ajouter 5 kopecks, de sorte que chaque âme me reviendra à 30. C'est tout ce que je puis faire pour vous. Eh bien, monsieur, allons, vous ajouterez 2 kopecks. Va pour 32 kopecks, et soyez content. Vous avez dit 70 fugitifs? Il y en a en tout 78. 78? 78 âmes à 32 kopecks? Ici, notre héros s'arrêta à peine une seconde et dit tout de suite. C'est 24 roubles 96 kopecks. Il était très fort en arithmétique. Il fit, à l'instant même, écrire par Plouchkine la liste de ses fugitifs, sans aucune mention de leur fuite, bien entendu, et il remit au vendeur la somme convenue, que celui-ci reçut des deux mains. Vite, vite, il les porta à son bureau, avec la même précaution qu'on mettrait à transporter d'un lieu dans un autre une coupe fragile, remplie jusqu'au bord de la plus précieuse liqueur. Arrivé au bureau, il regarda encore une fois ce cher argent et le déposa chèrement dans un bon tiroir fermé d'une forte serrure, où probablement il restera enseveli jusqu'au jour où le père Carpe et le père Polycarpe, les deux prêtres de son village, seront venus pour l'ensevelir lui-même, à l'ineffable joie du gendre et de la fille, et peut-être aussi du voisin, le capitaine, qui se dit de la famille. Après avoir donné 2 bons tours de clé au bureau, Plouchkine se rassit, et déjà il semblait ne plus savoir comment trouver aucun sujet de conversation. « Qu'est-ce que c'est? Vous voulez partir ?» demanda-t-il à l'occasion d'un mouvement que venait de faire Tchitchikov pour tirer son mouchoir de poche. Cette question rappela à notre héros qu'en effet, il n'avait plus rien à faire là. « Oui, il faut que je me remette en route, » répondit-il en prenant son chapeau. « Et le thé ?»« Non, nous prendrons le thé ensemble une autre fois. »« Mais comment donc? J'ai fait allumer du charbon dans le samovar. À vous dire vrai, moi, je ne suis pas un amateur de thé. C'est une boisson coûteuse, et le sucre a tellement monté de prix que cela devient une extravagance d'en tenir chez soi. Hey, Proshka !» Proshka ne prit que le temps de plonger ses pieds dans les bottes de l'antichambre et se montra sur le seuil. « Cours éteindre le samovar, il n'en faut pas. Ah, prends ce crouton, porte-le à Mavra, qu'elle le remette à la place où il était. Mais non, plutôt laisse-le ici, je le remettrai moi-même. « Eh bien, adieu, cher monsieur. Je vous souhaite un bon voyage. Vous présenterez ma lettre au président. Oui, oui, qu'il la lise. Il sera content de voir que je me suis souvenu d'un vieil ami. Nous avons mangé la ratatouille au même plat. Puis ce vivant fantôme, cet étrange petit vieillard ratatiné, accompagna son hôte à travers sa cour jusqu'à la porte cochère, qu'il fit fermer à la minute même où la britchka eut franchi le seuil. Et il alla parcourir tous ses magasins pour voir s'il trouverait bien à leur poste, dans les recoins du clos, tous ses gardes de nuit, prêts à frapper, avec de mauvaises pelles de bois, sur de vieilles tonnes vides, suspendues en guise de tarabas en fer de fonte. Ensuite, il passa à la cuisine, où, sous prétexte de voir par lui-même si les gens sont bien nourris, il se bourra de choux aigres et de gruaux. Et, après leur avoir à tous lavé la tête énergiquement, en les accusant de le voler et de faire mauvaise vie, il regagna sa chambre. Là, resté seul, il eut par extraordinaire une bonne pensée, celle de récompenser notre héros de sa magnanimité réellement sans exemple. « Je lui ferai présent, pensa-t-il, d'une montre, une vraie montre en argent, une montre d'argent, et non pas de zinc ou de cuivre jaune. Elle est dérangée, il la fera raccommoder. C'est un homme encore jeune, je veux qu'il ait une montre pour aller faire sa cour à sa promise. « Mais non, ajouta-t-il après un moment de réflexion, plutôt je la lui laisserai après ma mort, par testament, pour qu'il garde bon souvenir de moi. » Notre héros, qui ignorait ces intentions généreuses de Plouchkine, s'éloignait dans la plus charmante disposition d'esprit. L'acquisition inespérée qu'il venait de faire était pour lui un véritable cadeau de grande importance. En effet, il venait d'opérer un immense coup de filet, non seulement sur des morts, mais encore sur des fugitifs, ce qui constituait une prise de plus de 200 âmes. À l'heure où il se rendait au village de Plouchkine, il avait en réalité le pressentiment d'une bonne affaire, mais il était loin de s'attendre à une pareille aubaine. Tout le long de la route, il fut singulièrement gai. Il sifflait, jouait des lèvres, le poing légèrement appliqué contre la bouche, comme s'il sonnait du cor. Il finit par entonner une chanson tellement insolite que Séliphane, après l'avoir écoutée avec ébahissement et la voyant finir avec bien du regret, branla la tête de surprise et dit à ses chevaux, presque assez haut pour être entendu, « Hé hé, comme il chante aujourd'hui le maître !» L'ombre se mêla complètement à la lumière, et il sembla que les objets aussi se confondissent entre eux. La longue poutre bariolée qui sert de barrière prit une teinte générale indécise. Les moustaches de la sentinelle semblèrent être sur le front, au-dessus des yeux et de nez par apparence. Un bruit de pont et certains soubresauts annoncèrent que la britchka roulait sur le pavé. Les réverbères n'étaient pas encore allumés et quelques rares lumières commençaient à égayer les fenêtres de quelques maisons. Dans les carrefours et dans les ruelles, il se passait des entretiens et des scènes dont ce moment de la journée est en possession d'offrir la spécialité dans toutes les villes où il y a beaucoup de soldats, de voituriers, d'artisans et d'une espèce particulière de personnes que je ne puis nommer. De dames en châle rouge remontées sur la tête avec des souliers sans bas aux pieds qui se distinguent de la chauve-souris en ce qu'elles ont le vol un peu moins rapide et beaucoup plus bas. Tchitchikov ne donna pas la moindre attention aux êtres fantasques qui se croisaient sur le trottoir avec des essaims de sveltes commis de bureau armés d'une mince canne de promenade, retournant selon toute apparence de quelques petites excursions hors ville et regagnant leur domicile. De loin en loin, arrivaient à son oreille des exclamations ou récriminations venant probablement des châles rouges qui disaient « Tu mens, ivrogne, jamais je ne lui ai promis rien de pareil !» Ou bien « Pas de jeu demain, Butor, va au quartier de police, j'y serai aussitôt que toi, et là je te ferai voir !» Bref, de ces paroles qui viennent tout à coup et bourriffer un beau jouvenceau rêveur de 19 à 20 ans, quand, revenant du théâtre, il voit en lui surgir un balcon, une rue, une nuit d'Espagne, une adorable image de femme à longs cheveux bouclés, à douce mandoline vibrante. Quel enchantement de ses sens et de son imagination! Il est dans le 7e ciel. Il vient de faire une visite à Schiller ou à Shakespeare, et à l'improviste, il se sent frappé comme d'un lourd pavé par ses prosaïques propos de carrefour. Force lui est bien de s'apercevoir qu'il est sur la terre, qu'il traverse la place du marché, qu'il passe devant le cabaret. Et aussitôt la vie se carre de nouveau à sa vue, avec ses réalités infiniment peu éthérées et nullement sublimes. Enfin la britchka, après un suprême cahotement, dévala comme dans une fosse sous la porte cochère, et Tchitchikov fut reçu dans la cour par son fidèle Petrouchka, qui, d'une main, assujettit la robe de son surtout, n'aimant pas que cette partie de son vêtement flottât en liberté, et de l'autre, se mit en devoir d'aider son maître à sortir d'équipage. Le garçon d'auberge, de son côté, s'élança, un bougeoir à la main, une serviette sur l'épaule. J'ignore jusqu'à quel point Petrouchka était joyeux du retour de son seigneur. Ce qui est positif, c'est qu'il échangea, à la dérobée, un radieux coup d'œil d'intelligence avec Séliphane, et que la figure de celui-ci, ordinairement soucieuse, ne laissa pas cette fois que de s'épanouir dans ce jeu muet et rapide. « Vous avez fait une longue promenade ?» dit à Tchitchikov le garçon d'auberge en lui éclairant l'escalier. « C'est vrai, » répondit Tchitchikov quand il fut arrivé à son palier. « Comment vas-tu ? » « Moi, bien, Dieu merci, monsieur, » répondit en s'inclinant le garçon. « Hier, il est arrivé ici un sous-lieutenant, un jeune militaire qui a pris le numéro 16. »« Un sous-lieutenant ?»« Oui, il est de Réazan. Il a avec lui deux baies superbes. »« C'est bon, c'est bon. J'espère que je serai content de ton service. » dit machinalement Tchitchikov et il entra dans sa chambre. Cependant, en traversant l'antichambre, il porta la main à sa narine et dit à Petrouchka sans colère « Tu aurais bien dû, au moins, prendre soin d'ouvrir les fenêtres pour donner de l'air à l'appartement. » Petrouchka répondit impudemment qu'il avait ouvert. Son maître sentait, et de reste, que le drôle mentait, mais il n'avait nulle disposition à gronder. Il rapportait de sa longue campagne, avec quelques trophées, une grande lassitude. Après s'être fait servir un quart de cochon de lait, auquel il ne fit honneur que pendant 10 minutes à peine, il se déshabilla, et, s'étant glissé sous sa couverture, il s'endormit, de ce grand et bienfaisant sommeil que dorment seuls les êtres privilégiés, ceux qui ne savent ce que c'est que les incommodités physiques et les punaises dans l'ordre matériel, et les préoccupations creuses des trop puissantes intelligences dans l'ordre moral.